Hey Roshan, the woman from East Afghanistan. We not care where them from. True, I miss it. J'ai passé des nuits au fond des clubs. From your love woman, push up your hand. Push up your hand. Hey. Your boom boom is like a diamond. Tu veux d'un homme, pas d'un amant. Un supporter, un gars fervent, qui t'accompagnera jusqu'à l'enterrement. Every road de l'amour et du respect à plein temps. Traverse les problèmes en chantant. T'as déjà donné mais tellement. De belles promesses, pas de calme. Mais c'est ah, de tomber sous le bon profil. Une vie royale. On m'aidera, tu seras tranquille. J'ai la solution à tes problèmes. Dis-moi ce qui ne va pas. Oublie tes regrets, tes peines. J'suis pas ton négro lambda. You pussy give me good luck, so make you good fuck. Make you forget about your problems. You give me good luck, so make you good fuck. Girl, wind up your body and go down pon it. Go down pon it, baby, go down pon it. Il y a un seul capitaine dans ton cockpit. Beaucoup de turbulence, mais pas de panique. Give it a real world wide, real as a la. Je touche dans le noir comme au cinéma. C'est ce que tu te souviendras de ton premier Black Mamba. Ah, t'es tombé sous le bon profil. Une vie royale. T'en mènera, tu seras tranquille. J'ai la solution à tes problèmes. Dis-moi ce qui ne va pas. Oublie tes regrets, tes peines. J'suis pas ton négro lambda. You pussy give me good luck, so make you good fuck. Make you forget about your problems. You give me good luck, so make you good fuck. Me nah run, me nah go no way. Reach your girl, me a stay. Day after day. On s'avoue bizarre qu'on fait. Protéger qu'on coffre fort. On s'avoue bizarre qu'on fait. Ah, El Rashad.